En signe de soutien aux exercices de lancement de la fusée balistique stratégique de moyenne et longue portée des forces stratégiques coréennes, le Comité suisse-coréen et le Cercle suisse d'études et de justice ont publié une déclaration commune, alors que le groupe de solidarité avec la République populaire démocratique de Corée et l'association d'études et de justice et de la politique de Songun de Daghestan de Russie ont lancé chacune une déclaration, et le président de l'association des journalistes népalais a écrit un article pour le journal Alphan.